Alors bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle émission de Ça roule Radio. Mon nom est Luc Desormeaux et pour m'accompagner encore une fois cette semaine, mon ami et journaliste Collègue, automobile, collègue, journaliste automobile, Marc Bouchard. Salut Marc. Salut mon cher. Ça va bien? Ça va très bien et toi? Ça va très bien. Donc on va tout de suite avertir les gens parce qu'en début d'émission c'est toujours mieux qu'en fin d'émission. Des fois il y a du monde qui part et n'écoute pas la fin. Il n'y aura pas d'émission la semaine prochaine parce que Marc est en vacances. Et puis c'est des fois des gens comme ça on les laisse partir en vacances parce que ça faut que ça aille se reposer, ça a un certain statut. Donc la semaine prochaine pas d'émission. Marc, tu pars te reposer, te ressourcer pendant une semaine. Oui, effectivement, je reste à la maison. Okay. Donc moi ouais, c'est vrai, toi tu voyages toujours pour des voyages de presse, j'imagine de temps en temps pour te reposer, tu restes à la maison. Ouais, ah non, là, écoute, j'ai l'impression que mon gazon est en train d'accueillir une colonie de lézards là. Ah. C'est tellement long que faut que je m'en occupe un peu. Alors j'ai plein de trucs à faire à la maison, c'est ce que je vais faire. Attends, ouvre-toi un zoo avec des petits lézards, des choses comme ça. C'est pas pire. Tu pourrais te trouver une nouvelle carrière comme zoologiste ou peu importe. Là. Mais donc c'est ça. Donc pas d'émission la semaine prochaine. Cette semaine, ça va peut-être être un petit peu écourté. On va peut-être avoir une émission de 45 minutes au lieu d'avoir notre heure normale. Là. Donc vous allez voir quand même ça. Mais on va revenir en force après ça pour les prochaines semaines. Là. C'est le temps des vacances pour tout le monde. Donc on fait une émission quand même, mais elle va être un petit peu moins longue qu'à l'habitude. Bon, pour y aller, Marc, t'as été assez quelque chose d'assez cool cette semaine. Tu as été invité à un événement pour souligner le 75e anniversaire de la Jeep. Oui, effectivement. Question pour toi, Luc. Ouais. D'où vient le nom Jeep? J'ai aucune idée. Je sais que c'est quelque chose de l'armée. Puis dans le temps, c'était construit par une compagnie. Je me semble la compagnie, c'était-tu MC General comme ça? Mais il y avait plusieurs compagnies différentes qui faisaient des Jeeps, je me rappelle. Là. C'était pas juste un constructeur dans le temps de l'armée, puis il fallait les pousser en dehors de la porte pour envoyer ça. Là. Mais... Tu cherches trop loin. Là. Okay. Tu cherches vraiment trop loin. OK, je sais pas. En fait, c'est Jeep qui a fait le véhicule pour l'armée parce que l'armée a demandé d'avoir un véhicule qui était un véhicule passe-partout. Un véhicule qui était capable d'utiliser pour différents éléments. Mm-hmm. Ils ont donc appelé ce véhicule-là General Purpose. Okay. Donc, GP. Prononce le diminutif GP en anglais. GP. Ça fait ouais, GP. Okay. Alors ça serait une des options. La deuxième option, et je la trouve particulièrement drôle, c'est que dans Popeye, le dessin animé, il est apparu à un moment donné un petit personnage magique qui s'appelait Eugène le Jeep. Okay. Et ça pourrait venir de là aussi. Donc, il n'y a personne qui est capable de confirmer exactement d'où vient le nom, mais ce qu'on sait, c'est que ça vient de là. Ça a été créé en 1941. Et tu l'as mentionné, ça a été créé pour les besoins de l'armée. Mm-hmm. Cette année, on célèbre le 75e anniversaire. Et ce qu'on a décidé de faire chez Jeep, en fait, c'est de créer des éditions spéciales de chacun des modèles. Alors, tous les modèles vont avoir leur édition 75e anniversaire qui va être verte avec des roues gold. C'est vraiment particulier, c'est super beau. Ça rappelle vraiment le passé militaire. Okay. Sauf que Jeep, c'est une marque qui marche super fort. Vraiment très fort. C'est une marque qui, depuis quelques mois, en fait, depuis quelques années, est parmi les plus populaires au Canada et aux États-Unis. Entre autres, c'est 25% des ventes au Canada, 30% aux États-Unis. C'est donc la preuve qu'on a atteint un certain niveau. Sauf que tu conduis pas un Jeep comme tu conduis n'importe quel véhicule. Ce qu'on a voulu nous faire partager cette semaine, c'était le mode de vie des gens qui conduisent un Jeep. Oui, parce que c'est un engouement, hein? C'est une espèce de petite clique, là. C'est, tu sais, des gens, ils se font des high-fives quand ils se rencontrent, des choses comme ça, là. Écoute, c'est vraiment un style de vie, là. Quand tu conduis un Jeep, tu fais vraiment ça, t'as pas le choix, là. Ouais, ouais. Et ils te regardent quasiment des gros yeux si tu le fais pas. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est rendu dans la région d'Ottawa. On est allé souper, ça a été très cool, parce que pour commémorer tout ça, on nous a amené souper au musée de la guerre. OK. Ouais. En avant des anciens Jeeps. Le lendemain matin, on est parti du centre-ville d'Ottawa. Avec un Jeep Cherokee Overland. Le Cherokee, tu le sais, c'est le petit utilitaire. C'est extrêmement populaire au Canada actuellement. Mm-hmm. L'Overland, c'est le plus équipé de tous les Jeeps. Donc, c'est celui qui fonctionne le mieux au niveau de l'accessoire, les sièges en cuir. Tu sais, on est vraiment dans la totale. Un peu cher à mon goût, haut de 40 000 piastres. Ouais. Ben, ce qui est le problème un peu chez Jeep, c'est que souvent les prix d'entrée de gamme sont pas payés, mais aussitôt que tu commences à monter, la facture devient salée assez rapidement. Exactement. Ben, c'est le cas de l'Overland. Ouais. Ça va quand même très bien. On a fait une centaine de kilomètres en ville sur autoroute et ça fait le travail. Tu sais, j'étais avec un collègue, on s'est amusé à jouer avec les systèmes multimédia, le Uconnect, qui est un des meilleurs systèmes sur le marché actuellement. Ouais. Bref, ça va super bien. Une fois rendu à destination, on est dans la région de Calabogie. Et là, on a rencontré les gens du Eastern Ontario Trailblazer 4x4 Club. Tu auras compris que c'est un club de hors-route. Ils sont 43 membres, il y en a 42 qui ont des Jeeps. OK, ouais. On appelle ça pas mal l'unanimité. Et ces gens-là nous avaient préparé un petit sentier. Ben, en fait, c'est un sentier qu'eux fréquentent régulièrement, à l'intérieur duquel on est allé se promener. Le seul qui n'est pas allé, en fait, c'est le Cherokee Overland qu'on avait. Parce qu'il a beau être luxueux, celui-là n'était pas ce qu'on appelle trail rated. OK, ouais. Trail rated pour Jeep, là, c'est être capable de traverser un certain nombre de conditions. Et dans ce cas-là, il ne l'était pas. Moi, on m'a donc mis dans un monstre qui s'appelle le Jeep Wrangler Rubicon. C'est le top des Jeeps. Il est équipé pour faire du hors-route vraiment à un niveau plus élevé que les autres Wrangler, avec les barres qui se désactivent, le différentiel qui se verrouille, bien sûr en deux, en low ou en high. Tu sais, tu peux tout manipuler. Nous, on avait enlevé les portes et le toit en plus. Alors, on faisait vraiment Jeep tough. Et on est allé se promener dans les sentiers en suivant ces gars-là. Évidemment, nous, avec le Rubicon, je pense qu'on aurait pu le faire de reculons, puis on n'aurait pas eu de misère. Il n'y a pas eu de trou, moi, c'est ça. Mais on était suivi par un Renegade qui n'a pas vraiment eu plus de difficultés. Si vous allez sur ma page Facebook ou sur la page Facebook de Écolo Auto, vous allez voir, j'ai mis une petite vidéo du Rubicon qui descend un escarpement rocheux. Je peux vous dire, pour l'avoir descendu, là, parce qu'on le faisait à tour de rôle, que ça descendait solide, qu'une fois au volant, tu voyais pas trop où tu t'en allais, mais que le Jeep, lui, l'a fait sans même hésiter et sans aucune difficulté. Okay. Une fois ça fait, on est parti, là, on a fait de la ville, de l'autoroute, on a fait du hors-route, mais là, on s'est rendu à la piste de Calabogie, et là, on nous a prêté le SRT, le Grand Cherokee SRT, et là, c'est sur la piste qu'on est allé s'amuser, avec un véhicule qui fait 475 chevaux, qui est un utilitaire sport là, que tu peux utiliser dans la vie de tous les jours, ouais. Mais je peux te dire que ça se déplace sur un joyeux temps. Ouais. Puis ça a de la gueule aussi, ils l'ont modifié juste assez pour y donner un air un petit peu méchant. Oui, effectivement. C'est pas mal bien, ouais. Mais je peux te dire que quand tu pèses sur l'accélérateur, il n'y a pas juste l'air méchant. Non, il l'est. Ouais. Il l'est vraiment. Et écoute, je me suis amusé comme un fou. C'était vraiment très drôle. Alors, tout ça dans la même journée. Et quand tout ça a été fini, bon, on nous a réservé une petite surprise. Et ça, c'est probablement ce que moi, j'ai aimé le mieux. On nous a prêté un Jeep Willys 1944, complètement restauré. Okay. Mais vraiment comme l'original, c'est-à-dire pas beaucoup d'équipement. C'est-à-dire pas beaucoup, pas du tout, ben, je devrais dire. Rien. Évidemment, ouais. Essayer de grimper là-dedans, c'est un peu compliqué parce que c'est assez haut, faut que tu te passes la patte en dessous du volant. Ma souplesse légendaire m'a quitté depuis quelques années déjà. Alors, fait que ça n'a pas été facile. Par contre, en perdant ma souplesse, j'ai gagné de la bédaine. Et comme le volant n'est pas ajustable, pas plus que le siège, disons que j'étais un peu à l'étroit. C'était fait pour un modèle de soldat assez unique, là, tu sais, c'était comme... ouais, c'est ça. C'est ouais. Ça, c'est pas fait pour les formats doubles comme moi, là. Non. Fait que, malgré tout, c'est super drôle à conduire. Gros volant, évidemment, il n'y a pas de cerveau de direction là-dessus, là, oublie ça. Il y a trois vitesses, un moteur 4 cylindres de 60 chevaux qui va maximum 60 km/h, mais tu veux surtout pas aller 60 km/h d'une courbe parce que c'est très mince, c'est très haut et tu as l'impression que tu vas verser sur le côté rapidement. Les freinages, écoute, faut que tu prévois un demi-kilomètre d'avance là, parce que évidemment, c'est pas du très gros freinage. Honnêtement, moi je serais jamais allé au front avec un véhicule comme celui-là, mais c'est quand même une expérience qu'il faut vivre une fois dans sa vie. Et si ça vous amuse, vous pouvez aller rire de moi en allant sur ma page Facebook. Vous allez voir une magnifique photo de moi qui porte la soute de soldat d'époque. Bon, évidemment, j'ai pris la pause pour avoir l'air un peu innocent en plus. Ouais, mais vous allez voir que... T'as pas travaillé fort, là. C'est drôle, hein, comme... Quand on enregistre, dans même, il y a des parasites qu'on aime mieux pas entendre. En tout cas, ouais, bref. Alors, ça a été vraiment une expérience assez unique. Et ça nous a permis de comprendre... Pourquoi Jeep était encore aussi populaire? C'est tout simplement que la gamme a réussi à garder sa personnalité assez unique, sa personnalité vraiment très forte de Jeep, mais en offrant le confort et les accessoires et la motorisation qui permet justement de faire à peu près tout ce qu'on veut avec ces véhicules-là. Honnêtement, Je connaissais ça. Je te jure que si j'avais à m'acheter une voiture, un Jeep Wrangler, c'est un jouet, on s'entend là. Bon, Un ouais. Jeep Wrangler, je l'ai conduit sur l'autoroute, pas de toit, pas de porte. C'est super le fun, mais évidemment, toi et ton collègue, vous vous criez par la tête tout le long. Ouais, c'est clair. C'est clair. T'sais, mais c'est tellement agréable. C'est vraiment de la sensation ultime. Et je vais être franc avec toi, je l'ai toujours dit, mais je le répète. Si tu veux me faire plaisir, amène-moi pas sur une piste, amène-moi dans trois poignées de boîte. Et honnêtement, avec ça, j'ai eu le plaisir de ma vie. J'adore ce genre de véhicule-là. Alors, c'est certain que je vais le faire. Donc, tout ça pour souligner les 75 ans de Jeep, une des marques les plus populaires actuellement chez Fiat Chrysler. Et je pense qu'ils ont bien réussi leur défi, mon cher. Ben, c'est vraiment la marque qui donne du prestige un peu à Fiat Chrysler, là. Parce Ben, que c'est toi une qui lui marque donne du volume, là. qui lui donne du volume, parce que c'est une marque qui garde sa notoriété. T'sais, le nom est connu un peu partout dans le monde, là. Jeep, ça se vend partout. Puis c'est un peu le fer de lance. C'est un peu comme le phare de Chrysler Jeep. C'est une marque qui est légendaire, là. Fait que c'est certain. Oui, puis comme je disais tantôt, c'est 25% des ventes au Canada, là, fait que c'est sûr qu'ils peuvent pas se permettre d'oublier ça, là, t'sais. Non, c'est certain. Mais ça, j'imagine que ça a été une très belle expérience dans la boîte, c'est pas super. Ça fait Oui, changement. ben, en tout cas, moi j'aime beaucoup, fait que t'sais, c'est sûr que pour moi, là, je suis pas dur à convaincre, là, je suis bien plus facile à convaincre pour aller me promener dans la boîte que sur une piste. Je suis meilleur hors route, mettons. J'ai plus la forme d'un utilitaire sport que d'une petite sportive, là. OK. Fait que... Si tu le dis, on va te croire sur parole. Donc, c'est beau, Marc. Merci pour cela. On va faire une petite pause, puis on va revenir avec nos essais de la semaine. Avec plaisir, mon cher. Alors, nous sommes de retour et Marc, tu as sorti de la boîte pour te promener en Mercedes-Benz classe S plug-in hybride. C'est Oui, comment? monsieur. J'espère que tu t'es lavé les pieds avant d'embarquer dans Mercedes parce qu'ils Oui, t'aimeront non, pas. quand même, je suis un petit bonhomme propre, là. On va OK, c'est bon. se calmer, là. Écoute, c'est vraiment particulier parce que c'est effectivement un véhicule que tu branches et qui est bon pour une certaine distance en mode 100% électrique. Puis après ça, ben, tu embarques avec le système, la motorisation traditionnelle de la S550. Okay. Écoute, c'est vraiment, on va parler de la classe S d'abord, là. C'est une auto qui est absolument spectaculaire. Je veux dire, c'est une auto qui est d'une douceur de conduite qui est incroyable. C'est vraiment, tu sais, c'est une grosse limousine. Il y a beaucoup, beaucoup d'espace. La qualité de l'assemblage est indéniable. Les suspensions, la technologie qu'on a mis au niveau de la suspension pour, c'est des suspensions adaptables automatiquement, là. Écoute, c'est un charme incroyable, cette voiture-là, honnêtement. À la limite, tu vois, je me suis rendu, bon, on parlait d'Ottawa, je me suis rendu à Ottawa avec ce véhicule-là, et honnêtement, je me serais rendu à Vancouver, puis ça n'aurait pas fait une grosse différence. Ouais, arrêtez plus long, par exemple. C'est ça. C'est sûr que, regarde, on s'entend pour dire que c'est une grosse limousine. Dans ce cas-ci, elle est à propulsion. Elle n'existe pas en version hybride, là, la S550, avec le système 4MATIC de Mercedes. Donc, elle est uniquement à propulsion. C'est sûr que, tu sais, on fait pas dans la conduite sportive, là. Même OK. si les suspensions ont un mode sport qui permet de stabiliser un peu tout ça puis de rendre la randonnée un peu plus intéressante. C'est quand même, ça demeure un véhicule qui est une grosse limousine de luxe. Donc, évidemment, c'est pas l'affaire la plus stimulante en termes de conduite. Par contre, tu sais, quand tu trouves rien à redire sur rien, là, Ouais. sur un véhicule, parce que le confort des sièges est incroyable, parce que tout ce qu'il y a comme technologie, c'est parfaitement adapté. Autant les systèmes multimédia que l'affichage vidéo, que l'écran d'affichage de grande dimension, c'est vraiment complètement fou. T'as le Intelligent Drive qui est tout le système automatisé là, de conduite. Pas de conduite qu'est-ce qu'on dit tout seul, mais le vertisseur de collision, le détecteur Le d'angle changement de mort. voie, j'imagine que Détecteur de changement de voie, le contrôle de l'assistant vitesse au adaptatif. stationnement, oui, évidemment, avec l'assistance à la direction. Donc, il va te garder en place. Littéralement, elle se conduit toute seule, là. Okay. La différence entre ça et une Tesla, c'est qu'elle, après 15 secondes, elle te demande de remettre la main sur le volant. Elle ne te laisse pas conduire. Elle ne te laisse pas se laisser conduire toute seule. Ok, ouais. Comme la plupart des véhicules qui ont ces systèmes-là vont t'avertir à un moment donné, regarde, mets tes mains sur le volant, gros. Exactement. Mais celle-là, c'est comme ça. Et Ok. elle a aussi, bien sûr, le système d'attention, c'est-à-dire que quand tu as perdu l'attention, ben, elle va te dire, hey, tu conduis mal, tu devrais t'arrêter pour un café. Ok. Elle dit ça. Bon, ça m'est pas arrivé à moi, mais ça arrive quand même. Mais il y a des véhicules qui le font après un certain nombre de temps. Ouais, mais c'est vraiment, en fait, la façon dont ça fonctionne, c'est qu'ils comparent, ils regardent comment tu conduis les 20 premières minutes, et par la suite, ils vont regarder comment, ils vont comparer ta conduite. Et au fur et à mesure que ta conduite se dégrade, ils estiment que c'est parce que tu es fatigué. Donc, c'est là qu'ils vont te faire signe. OK. C'est vraiment basé là-dessus. C'est bon. Sous le capot, ben écoute, c'est quand même un moteur biturbo V6 3 litres de 329 chevaux, ce qui est quand même intéressant. On lui a jumelé un moteur électrique qui développe 814 chevaux. Donc, on arrive quand même à 400 quelques chevaux de puissance. Les accélérations sont impressionnantes compte tenu de la grosseur du véhicule. Techniquement, on est bon pour 33 km en mode 100% électrique. Je t'avoue que j'ai jamais dépassé 23. Bon, je l'ai branché, puis j'ai pas été capable là, de faire plus. Malgré tout, ça te permet quand même, quand tu es en ville, d'être totalement en mode électrique la plupart du temps, quand tu vas pas très loin, puis tu restes dans une petite ville comme moi. Bref, c'est dans l'ensemble, c'est absolument, tu sais, c'est une expérience assez unique de se promener là-dedans, parce que c'est vraiment le genre de véhicule qui ne te déçoit pas d'aucune façon. La seule chose où tu peux être déçu, peut-être, c'est si tu décides que tu vas avoir un véhicule plus sportif, mais là, évidemment, tu n'es pas dans la bonne gamme. Ou si tu commences à regarder tes paiements mensuels, parce qu'il faut quand même prévoir que la version de la S550e a un prix de base de 117 000 $. Avec, si tu rajoutes toutes sortes d'options, là, tu peux rajouter tout ce qui est, on parlait d'Intelligent Drive, là, le fameux système automatisé, c'est une option de 2 500 $. Si tu veux rajouter le look sport avec le look AMG, c'est 5 900. Bref, il y en a comme ça pas mal. Donc, tu peux monter aisément en termes de coût d'options. La chose la plus drôle qui m'est arrivée, en fait, au volant de cette voiture-là, c'est que je me suis retrouvé à Montréal dans une zone où il y avait une voie réservée aux autobus, qui est maintenant admissible aux véhicules hybrides aussi. Hybride plug-in, avec la plaque verte. Or, j'ai une plaque verte sur ce véhicule-là. Et quand j'y roulais, ben, il y a un policier qui m'a aperçu avec ma grosse Mercedes et qui m'a pris en chasse. Et quand il est arrivé derrière moi, là, il a bien vu qu'effectivement, j'avais une plaque verte. Alors, il m'a gentiment envoyé la main. Il a continué comme si de rien n'était. Ouais, comme si c'était rien passé, mais ça arrive souvent. Je connais des gens qui ont des voitures électriques, là, des Leaf, des choses comme ça, puis ça arrive de temps en temps que les policiers les prennent en chasse, puis ils mettent les clignotants, puis là, hop, ah non, plaque verte, puis là, stase, C'est puis ça. ils passent à Mais côté, puis sauf que, tu retournent sais, chacun. une Leaf, ça a un look distinctif, Oui, clair. alors que la S550e, ben, c'est une Mercedes-Benz classe S. À part le fait que c'est marqué plug-in hybride sur le côté, là, il n'y a pas de grosse différence quant à la nature même de la voiture à l'extérieur. C'est une belle, grosse voiture, mais ce n'est pas nécessairement une voiture qui est différente et qui te distingue de la masse, là, c'est sûr. OK, c'est bon. Mais c'est quand même, ça a l'air quand même agréable. C'est juste le prix qui est un peu. Ouais, mais tu sais, c'est une grosse Mercedes de luxe. Ouais, Ça c'est demeure ça. une classe S. Tu sais, on se le cachera pas, là, c'est la rivale de la Audi A8, de la BMW Série 7, de la Porsche Panamera, de la Tesla Model S. Donc, on est dans la même gamme de prix, dans le même genre de véhicule. C'est bon, c'est bon. Mais t'as apprécié. J'ai beaucoup apprécié. Super. Alors, moi, je l'ai fait dans la grosse limousine, mais toi, tu n'étais pas non plus trop mal pris cette semaine, mon cher Luc. Non, j'ai fait le luxe aussi un petit peu cette semaine. J'étais au volant, ben, je suis au volant du Cadillac XT5, nouveau VUS présenté par Cadillac. Faut que je dise, c'est vraiment un véhicule magnifique là, de l'extérieur. Le design est vraiment super joli. J'ai fait beaucoup de trajets cette semaine avec mon fils pour aller à Sainte-Justine. Il y avait des tests à passer suite à son petit problème de santé qu'il y a eu en début d'année. Et puis j'ai fait 4 allers-retours à Sainte-Justine cette semaine. Et Hier, au coin d'une rue, j'ai un monsieur qui m'a fait un thumbs up parce qu'il trouvait vraiment le véhicule magnifique. Puis j'ai vu dans sa bouche qu'il dit ah, belle Cadillac. Puis il m'a Ah, fait un thumbs up. je pensais que c'était pour toi le thumbs up, là. Non, non, non, vraiment pas, là. Il a fait un thumbs up à la voiture. Donc, c'est une voiture qui est vraiment jolie. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui la regardent. Puis, tu sais, les Cadillacs, si on recule là, juste une couple d'années, c'était pas nécessairement toujours des beaux designs et tout ça. Mais Cadillac a repris vraiment, côté design. La Cadillac ATS est magnifique. L'ATS-V est juste incroyable. Le XT5 a un petit peu un look. ATS là, avec le devant et ça, des beaux phares de forme un peu spéciale, là. Ça ressort vraiment, ça descend un peu sur les côtés, tout ça. La grille est vraiment jolie avec le logo central, là. Ça fait vraiment une belle voiture. L'intérieur est tout aussi joli. L'intérieur est vraiment bien fini, des cuirs confortables aussi. Les deux choses qui me dérangent dans la voiture, c'est un, le levier de vitesse. Pour moi, ça marche pas. J'aimerais autant une roulette tant qu'à faire, là, juste pour la fonctionnalité. C'est beau le levier de vitesse qu'ils ont mis, mais c'est surcompliqué pour rien, là. C'est vraiment, tu le sais, Marc, t'es allé au lancement. T'as comme un bouton qu'il faut que t'enclenches. Il faut que t'appuies sur le frein. Alors ça, t'as un bouton qu'il faut que t'enclenches pour être capable de partir la voiture, soit de reculons, soit d'avant. Mais le bouton est placé d'une manière où ce que tu sais pas trop si tu vas prendre le levier de vitesse comme par-dessus puis aller pousser avec ton pouce ou par en dessous puis aller le chercher avec tes doigts. C'est comme pas évident à savoir la bonne manière d'aller le chercher. Donc Juste le chemin que tu dois prendre pour aller. Si tu veux le reculon, tu t'en vas à gauche. Si tu veux aller au drive, tu t'en vas en bas. ouais, si tu pousses un coup de trop, t'es en manuel, puis là tu te C'est ça. dirais la logique, ben je vais repousser par en haut pour retourner en drive vu que le drive est au-dessus du manuel. Non, faut que tu repousses par en bas pour remonter sur manuel. C'est C'est ça. surcompliqué là. C'est vraiment, je sais pas qui a pensé à ce système-là, là, mais franchement j'aurais fait ça autrement. Une roulette, ça fonctionne très bien là, mais je comprends qu'on voulait avoir un look différent. Il y a des gens qui trouvent le système dans ma livre compliqué. Ça, c'est comme compliqué et demi. Donc, c'est ça. Puis, il y a le système Q qui est encore moyennement fonctionnel. Ça fonctionne bien, mais il y a un Il manque est quand flagrant. même pas mal amélioré par rapport à ce qui était avant, là. C'est mieux que c'était, mais il y a encore un manque flagrant de boutons. On a des boutons, le bouton de volume qui se retrouve en dessous de l'écran, qui est un bouton qui est pas vraiment un bouton, un vrai bouton, c'est un bouton qui est comme tactile, là. Il répond pas toujours. À un moment donné, je voulais descendre le volume, puis je pesais, puis ça descendait pas. Fait que finalement, je me suis rabattu sur le volant pour le descendre sur le volant à la place. Bon, c'est C'est souvent ce qu'on fait, par exemple. ouais, fait que c'est pas encore au point. Moi, il y a des choses, j'aime ça avoir des boutons, un bouton rond pour le volume, des choses comme ça. Je trouve ça intéressant, j'aime ça. Il y a pas ça là-dedans. Bon, on essaye d'aller le plus en plus sans bouton parce que ça fait un look plus épuré. C'est très joli de pas avoir de boutons. C'est clairement plus beau, mais ça me manque des fois d'avoir des boutons physiques pour certaines choses. La chose que j'ai aimée, par exemple, Ça vient avec l'âge, là. ouais, peut-être, je m'en viens peut-être trop ou pas assez vieux, je sais pas. La chose que j'ai aimée, par exemple, c'est que aussitôt que j'ai branché mon téléphone Android, il a parti CarPlay. Il a parti pas CarPlay, il a parti Android Auto, c'est reparti CarPlay, on aurait été dans le trouble. Il a Ouais, je parti. veux te dire, il y a quelque chose que tu n'as pas compris vraiment. Je pensais que j'avais acheté un Android. Pour les gens qui savent pas, CarPlay, c'est Apple. Puis Android Auto, c'est Android. J'ai branché mon téléphone, puis tout de suite, il a parti. Le Android Auto dans le système de divertissement, puis mon téléphone m'a juste demandé, voulez-vous démarrer Android Auto? J'ai trouvé ça intéressant. Normalement, dans les autres systèmes que j'ai essayé, tu branches ton téléphone, puis là, faut que toi-même t'ailles sur l'écran pour y dire, démarre la fonctionnalité Android Auto, puis là, après ça, ton téléphone te dit, voulez-vous accepter la connexion d'Android Auto? Fait que là, ça saute une étape. Tu branches, il reconnaît ton type de téléphone, puis il part le système automatiquement. Ça, j'ai trouvé ça bien de la part de Q. Pour le reste, le son est bon, le reste est bon. C'est juste la fonctionnalité qui est un peu sommaire. Beaucoup de boutons sur le volant aussi, pas nécessairement tout simple et facile à savoir quoi fait quel bouton fait quoi quand on est en train de conduire. C'est vraiment le type de voiture où il faut s'asseoir peut-être puis regarder votre livre d'instructions, à savoir les boutons. Puis il y a beaucoup de choix aussi dans le tableau de bord. On peut changer ce qui vont nous afficher la vitesse avec les panneaux de vitesse, avec le. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de configurations différentes pour les ordinateurs de voyage, savoir comment vous avez fait de kilomètres sur votre voyage. Ça aussi, le remettre à zéro, c'est pas nécessairement évident. Il faut prendre le temps un peu de s'asseoir et de regarder. Là. Effectivement. Mais c'est souvent le cas de ben des, ben des véhicules, surtout les véhicules de luxe. Là, on s'amuse beaucoup à faire ça, trouver des espèces de complexités d'ergonomie qui n'ont pas de bon sens. Là. Ouais, c'est ça. Mais pourtant, si tu regardes, c'est sûr que Cadillac veut s'enlever un peu de l'image de voiture de personnes plus âgées, où on va aller chercher une clientèle plus jeune, mais tu sais, les gens plus âgés qui sont encore intéressés d'aller vers un Cadillac vont trouver ça extrêmement compliqué, ces systèmes-là. Là. Va vraiment avoir. Bon, je suis pas sûr que c'est ça qu'on vise de toute façon. Là. Non, c'est ça. On vise une clientèle un petit peu plus jeune. Donc, mais pour le reste, c'est un très, très beau véhicule, vraiment confortable pour avoir fait des allers-retours sur un peu d'autoroute, puis beaucoup de villes pour me rendre à Sainte-Justine. Ceux qui y vont de temps en temps, là, le décarie, puis la voie de service, puis aller chercher Côte-des-Neiges, puis Côte-Sainte-Catherine, là, ça roule pas doux, là, les voies sont assez maganées. C'est vraiment une voiture confortable, on se fait pas brasser. Il y a beaucoup de puissance, c'est un V6 de 3,6 litres qui produit 310 chevaux puis 271 livres-pieds de couple. J'ai pas trouvé qu'il manquait de puissance. Il est assez puissant. C'est jumelé avec une transmission automatique à 8 rapports. La transmission fait un bon travail aussi. J'ai pas trouvé qu'elle était trop, tu sais, monte-descend. On le sent pas. C'est vraiment la transmission fait son travail, puis on sent pas de coup quand ça change de vitesse. C'est vraiment, vraiment, vraiment fluide. Je veux dire, c'est vraiment un très, très, très bon véhicule. C'est sûr que le prix est en conséquence. Si ça vous intéresse, ben il faut avoir au moins 54 000 $ à mettre pour un véhicule. Mais si vous avez cet argent-là, je vous dirais que c'est un véhicule qui est très, très confortable, il est très joli. Je pense que ça peut être compétitif dans cette espèce de créneau-là. Je sais pas des millions de voitures de ce prix-là non plus, là, mais je vous dirais que pour moi, là, c'est un très bon candidat dans le VUS de luxe. C'est effectivement un très bon candidat. Mon seul problème, en fait, c'est le prix. Ouais. Parce qu'il se retrouve dans un créneau où il y a pas mal de candidatures, je te dirais. Là. Ouais, c'est ça. C'est quand même 68 500 si tu prends la version Platinum qui est la plus haut de gamme. Tu te retrouves face aux Allemands. Reste à voir s'il va être capable de prendre sa place. Mais effectivement, il est très beau. Il va très bien. Et ne pas oublier le fameux système de recharge par induction réservé à Android. En fait, non. Tu peux le faire avec un Apple, mais ça te prend un case spécial. Là. Donc, tu parlais qu'il y a parti Android Auto. Mm-hmm. J'ai aussi rechargé mon téléphone quand je l'ai essayé. J'ai beaucoup aimé ça. Ah, mais moi, j'ai pas beaucoup d'argent, donc j'ai pas un téléphone qui charge par induction. T'sais. On n'a pas les. T'as pas un Android? Oui, j'ai un Android, mais j'ai un Galaxy S5 Neo. Il n'y a pas la charge par induction. C'est ça. Je suis désolé. Moi, j'ai un 6. C'est ça. Edge. Ouais. C'est ça, mais tu sais, toi, t'as de l'argent. Moi, j'en ai pas. Qu'est-ce que tu veux? On y va avec nos moyens, Marc. C'est comme le Cadillac, je l'aime beaucoup, mais si je vais avec mes moyens, je peux pas me le payer malheureusement. Mais c'est un excellent véhicule, beaucoup d'espace en avant, beaucoup d'espace en arrière, un magnifique toit panoramique. Puis j'ai ouvert le coffre pour mettre des choses dedans. Puis un système, il y a une espèce de rail avec une espèce de barrière qu'on peut bouger. Dans le coffre, là. Puis on peut mettre des objets, puis on peut comme séparer le coffre en deux, fait que si on a des objets qui sont pas très grands, mais on peut comme séparer le coffre en deux puis en mettre sur les deux côtés. Je trouvais ça vraiment intelligent comme système. C'est la première fois que je voyais ça dans un coffre de VUS. Effectivement, c'est bien. C'est fort bien fait, t'as bien raison. C'est vraiment. Je suis assez d'accord avec toi là-dessus. Oui. Bon, ben c'est ça. Donc ça termine mon essai du Cadillac XT5 que j'ai encore jusqu'à lundi, puis on va en profiter un petit peu en fin de semaine. Marc, on va terminer l'émission là-dessus parce que bon, on semble avoir des problèmes d'internet là. Ça fait quelques fois qu'on essaie de rallonger un peu l'émission, mais l'internet nous déteste, ça a l'air aujourd'hui. Donc on va terminer là-dessus. Si les gens veulent te parler, te rejoindre, comment font-ils cela? Écoute, sur Facebook, c'est la meilleure solution. Sinon, ils peuvent me suivre sur tous les médias de NetMedia 360, VUS Mag, Écolo Auto, Auto au féminin, Luxury Car Magazine. Et bien sûr, sur Twitter, Marc souligné Bouchard, en plus de notre adresse courriel que tu vas t'empresser de nommer toi-même. Oui, qui est info@saroulradio.com. Moi, vous pouvez me rejoindre sur Twitter, @Ascalazormo. Il y a aussi le compte de Ça Roule Radio sur Twitter qui est Ça Roule Radio. La page Facebook, Ça Roule Radio. Et puis, il y a notre site, saroulradio.com. On est disponible sur plusieurs radios, sportradio.ca, Radio Highway, Radio H2O. On est disponible sur iTunes et sur Google Play. Donc, si vous voulez nous écouter, vous pouvez juste aller là. Et puis, vous allez pouvoir trouver l'émission. Et puis, c'est ça. Vous pouvez aussi me lire sur le blog automobile de Kijiji au frkijijiblog.ca dans la section véhicules. Donc là-dessus, je vous remercie d'avoir écouté encore une fois cette émission cette semaine. Émission un peu écourtée, mais on vous revient pas la semaine prochaine, mais dans l'autre semaine avec une émission complète. Donc merci et bonne semaine à vous. Bonnes vacances.